Parce que comme je t'avais dit, tu t'en souviens, au tout début, quand on s'était vu, je t'avais dit que dans les salles de sport, si j'aurais été un vrai pervers, comme dans la majorité de la masse immoraliste, j'aurais pu me taper au moins 100 meufs par an, quoi. Mais sans problème, Jonathan. Mais moi, voilà, quoi, comme ça ne m'intéresse pas, voilà, quoi, je vais pas me mettre avec n'importe qui. Et puis, tu sais quoi, Jonathan? Il y avait même, tu vas pas le croire, je crois que je te l'avais dit, il y avait une fille très très belle, une rookie, elle arrêtait pas de me chauffer, de me draguer, et elle avait un petit copain. Mais moi, si j'aurais comme... Mais tu sais quoi, à un moment donné, il y avait même un Asiatique qui était à côté de moi, il m'a dit, mais tu vois pas, elle te drague. Mais je lui ai répondu, désolé, oui, voilà, mais ce qui est la réaction normale, quoi. Mais eux, ils vont pas comprendre, ils vont. Mais et le mec, et les deux, et tous les mecs autour, ils me regardaient comme un extraterrestre, quoi. Parce que ces gens-là, c'est là que tu vois que tous ces gens-là qui avaient dans la masse, ils étaient tellement habitués tromper leurs femmes, à tromper, à forniquer, à tourlarigot, que voilà, le seul qui était à peu près, entre guillemets, moraux, c'était moi. Ouais, quand on te fait passer pour le roi des cons, du genre, alors lui, il a la palme, qu'est-ce qu'il est con, il saisit pas l'occasion. Ah non, mais je t'avoue, je m'attends que j'ai dû partir de la salle parce que on m'a laissé, hein. On m'a s'était moqué de moi. On n'arrêtait pas de dire que voilà, t'es trop faible, t'es pas assez un homme. Des trucs immondes. Bah, en fait, c'est le contraire, parce que c'est... Cette société, Jonathan, elle est... Non, mais là, ils ont inversé, parce que c'est eux qui sont pas des hommes, puisqu'ils cèdent à la tentation. Être un homme, au contraire, c'est rester ferme sur les bons principes et réussir à courageux... C'est eux les lâches, en fait. Réussir courageusement à rester dans sa morale... Malgré la tentation que la nana fait du charme, du gringue et tout, et eux, c'est eux en fait les femmelettes. Mais ils ont une conception inversée de la virilité de toute façon. Donc, Voilà, ouais, exactement. Donc dans la salle, ils baisaient tout le monde, tout ce qui bouge. Alors les Noirs et les Arabes, c'était encore pire. Alors qu'il y en a certains qui étaient mariés, c'est ça le pire. Non, mais il y a énormément de tromperies, d'extra-conjugalité à tire-larigot. Exactement, et beaucoup, il y a même des vieux aussi qui s'y mettaient aussi, hein. Des vieux, je m'attends la honte. Ah non, mais vieux. Les couples de gens qui ne sont jamais trompés sont devenus d'une rareté extrême. Hein. Ah oui, c'est devenu pire qu'une rareté, je crois que ça doit être 1 sur 10 ou 2 sur 10. Voilà, et même si ça arrivait, et ben, le couple de gens qui sont restés fidèles des années, beaucoup de gens en diront... que c'est un couple malsain où la femme est séquestrée par son homme, tu sais, parce que les médias ont injecté des préjugés sur les couples monogames. D'ailleurs, on l'a vu à travers MeToo. Oui, ils disent que la femme, elle est trop enfermée, séquestrée. que la femme qui vit trop longtemps avec le même mec, c'est trop... Elle est enchaînée, comme dans ils appellent. Elle est trop enchaînée, comme ils disent. Enchaînée, elle subit, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle subit. Ça, c'est leur mot, le mot de guerre qu'ils adorent, là. C'est insupportable, Jonathan. Ouais, ils diabolisent le monogamisme, alors ils font croire qu'aucune femme ne voudrait être monogame, alors c'est pas vrai, il reste des femmes certes rares, que eux raréfient malheureusement, mais il en reste qui veulent des relations monogames. Mais à chaque fois, ils font croire, il y a toujours cette idée reçue que c'est un homme macho qui oblige la femme à être fidèle et qui la maintient sous son joug. Enchaîné. Les mots de Joker, c'est séquestré, enchaîné. J'adore dire ça. Séquestré, enchaîné, privé d'oxygène. Alors, ils parlent aussi beaucoup de la routine du couple, ça, ils adorent. Voilà, beaucoup, beaucoup. Dès qu'il y a un peu de fidélité qui s'étale dans le temps, ils disent « Oh, attention, vous avez franchi la ligne rouge, vous allez vous enliser dans une routine qui va tuer votre couple. » Ils font croire que c'est couplicide, quoi. Et parallèlement à ça, alors, ils prescrivent l'extra-conjugalité, chacun couche à droite à gauche et se trompe mutuellement, comme recette. Non, de la longévité du couple. Aussi, je ne sais pas si tu as entendu, la mode, c'est les jeux sexuels ludiques. Pour soi-disant pimenter le couple, et puis ce serait soi-disant l'assurance longévité du couple. Ce qui est grave, c'est que ça va très loin dans ces jeux, ça va dans BDSM, dans des trucs immondes, quoi. Mmh. Ça va très très loin dans l'immondice. Bah oui, c'est le cheval de Troie du jeu, donc on ludifie des pratiques qui sont déviantes et très dangereuses, des tortures, des actions qui s'apparentent au viol, à des violences directes contre les femmes. Ah oui, voilà, on donne un côté ludique à ça. Alors aujourd'hui, il y en a qui se prêtent à ça, mais comme ils croient que c'est ludique et que c'est récréatif et bon enfant, ils ne mesurent pas que c'est du mal, quoi, que c'est des violences. C'est horrible. Non, mais Jonathan, ce que j'ai entendu dans la salle de sport, c'était carrément hallucinant. On était vraiment moi, chaque fois que je rentrais, je croyais que j'étais dans une autre planète, quoi, vraiment. Hein. C'est là, tu sais quoi, Jonathan, que j'ai découvert comment était vraiment la France et la société en général, quoi. Ben ouais, ça m'a fait plus qu'un choc, quoi. Parce que moi, à la base, je faisais du sport, mais toujours avec mes potes, entre nous, avec mon petit frère, des trucs comme ça. Mais quand je suis rentré la première fois, quand j'ai mis le pied dans une salle de sport de muscu professionnel, ou et même non professionnel, j'étais trop choqué, quoi. Un degré de... Attendez, tu te rends compte que y a des gens... Il y en a une, elle m'a raconté un truc, c'est carrément la propriétaire de la salle, une très belle femme d'ailleurs, elle a 41 ans, excuse-moi, j'ai mal à la voir, je m'attends, excuse-moi. Celle qui essayait de d'ailleurs t'engrainer et elle essayait de t'inciter à... Non, elle était très gentille, elle avait une morale, elle avait une morale. Alors ce qu'elle m'a raconté, c'était hallucinant parce qu'elle me disait qu'elle voulait un enfant parce qu'elle vivait avec un homme depuis longtemps d'ailleurs. Elle voulait un enfant... Mais lui, il n'en voulait pas, mais alors, il lui donnait pas l'explication. Mais en fait, tu sais quoi, le mec, comme je t'avais dit, il avait... En fait, lui, c'était un propriétaire d'une autre salle de sport. Mais en fait, il arrêtait pas de forniquer, quoi. Donc, tous les nouveaux clients, ils forniquaient. Dès qu'il y avait une nouvelle... Et voilà, et c'est à cause de ça qu'ils n'ont jamais pu avoir de gosse. Elle était plus que dégoûtée. Quoi. Ouais, une très belle femme, Jonathan. De 40 ans, elle avait, devait avoir 40 ans, et on dirait pas, on dirait, moi, je lui donnais 30 ans, facile, quoi. Et puis, il voudrait en avoir un plus tard, ce serait même pas souhaité, parce que le mec, s'il fornique, la qualité de son sperme va s'avilir, et c'est un coup à avoir un enfant qui a des problèmes génétiques. Hein. Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte dans les problèmes génétiques, c'est que les gens qui forniquent, comme en plus dans leur fornication, ils profanent le sperme, tu sais, ils jouent avec, encore côté ludique, ils font n'importe quoi, hein, les éjaculations dans la bouche, les asperger la nana. Sur les selles, la mode maintenant, c'est ouais, voilà, tous ces trucs-là. Et bah ça, le débit d'éjaculation de sperme qu'ils ont, ces mecs-là, je pense que ça altère la qualité de leur sperme. Après, moi, je crois qu'il y a un pouvoir de régénération. Je pense, par exemple, que si le mec, il décide ensuite de faire un projet avec une femme, de fonder un foyer, un ménage, et puis qui veut avoir des enfants et qui s'abstient de toutes ces choses pendant longtemps, je pense que son sperme va sûrement, sa qualité va se régénérer. Je pense pas qu'il y a de fatalité, mais un mec qui reste toujours dans une activité de fornication ou d'hypermasturbation et qui parallèlement, genre le lendemain, va vouloir avoir un gosse, et ben je pense qu'il va donner un sperme de pauvre qualité, et peut-être que ça peut conduire, en tout cas ça donnera un enfant bien, je pense il aura moins de chance d'être en santé optimale ou d'avoir des bons gènes que voilà un enfant qui naît d'un sperme optimal, quoi, tu vois. Parce que par exemple, je te donne un exemple, si tu vis en couple depuis des années, que tu fais l'amour, ben comme tout le monde, avec ta femme, même ça aussi, tu penses qu'il y aura un risque? Non, parce que je pense pas, parce que moi j'estime que si tu as une bonne hygiène de vie, automatiquement le sperme se régénère. Mais je pense quand même vie, je que pense. Il faut pas non plus que ce soit trop fréquent, quoi. Ah non, trop fréquent, non. Parce que ça avilit. Moi, je pense qu'on peut vivre, par exemple, en couple. Je parle pas de fornication, là. Là, je te donne un exemple, que si tu vis en couple avec ta copine ou ta femme, que tu vis depuis quelques années déjà, mais que tu ne le fais pas fréquemment, mais de temps en temps quand même, je ne pense pas, avec une bonne hygiène de vie, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Après, oui, pour la fornication, c'est vrai qu'il y a un gros débat à avoir, parce que ça, c'est pas pareil. Parce que là, ce que tu me dis, c'est du pur immoralisme. Bah là, prenant l'exemple du mec que tu as évoqué, quoi, avec cette nana de la quarantaine. Mais le mec, il fait impressionnant. Il avait une belle femme, il avait tout, il avait la maison, la voiture. Et dès qu'il ouvrait une salle de sport, il est riche, donc il est aisé, parce que ce phénomène-là est très récent, donc le mec il gagnait très très bien sa vie, il forniquait, mais avec les clients en plus, mais c'était hallucinant, Jonathan, c'était trop choquant, quoi. C'est pire que des symbésodromes, c'est aussi des lieux de cocufiage, en fait. Parce qu'il y a la dimension cocufiage. Voilà, des salles de rencontre, de bésodromes, appelez ça comme vous voulez. Mais pire que ça, c'est que carrément, je t'avais dit qu'il y avait des profs, des femmes qui acceptaient cela aussi, et qui entraînaient leurs copines à ça aussi. Ah non, mais c'est... Alors, donnant des mauvais conseils, Alors de là, des mauvais conseils, quoi. Ouais. Bah, toujours à l'aune de cet extra-conjugalisme, hein, cette même idéologie anti-monogamie, qui veut que, en fait, c'est cette idée immonde que la femme ne pourrait être épanouie, libre et oxygénée, heureuse aussi, vraiment femme et vivante, que si elle était dans ces coucheries, dans cette fornication, dans ce délire-là, quoi. Mais, salope, en gros. Il y a même des femmes qui, dans la rue, des fois quand je me promène, t'as des filles, et des jeunes filles, adolescentes ou pas, adultes aussi, j'entends de plus en plus ce mot dans la rue, ce qui me donne envie de gerber. On dirait des déchets sur pattes quand ces femmes parlent comme ça. Elles sont tellement vulgaires, c'est des déchets, des poubelles sur pattes, carrément. Mmh. Elles parlent de défoncer, carrément. Elle dit, j'aime me faire défoncer devant tout le monde. C'est ignoble, immonde. Non, mais Jonathan, il n'y a plus de mots. On est arrivé, je pense, cette humanité est arrivée à bout, parce que ça suffit maintenant. C'est incroyable. Attends, tu sors dans la rue, tu entends des jeunes filles de 12 ans, 11 ans. J'aime me faire défoncer devant tout le monde, normal. Ah, normal. C'est immonde. Bientôt, il y aura les parents à côté. Moi, j'en suis sûr que ça n'est jamais arrivé. Et les parents, ils disent rien, j'en suis sûr. Oui, ou alors ceux qui vont dire quelque chose, bon, leurs parents, puisque de toute façon, ils les ont méséduqués à être dans cet immoralisme, ce sont des gens qui n'ont pas de morale, voilà, déjà. Hein, voilà, ce sont forcément des gens, du coup, qui n'ont pas de morale. Et puis, bon, même qui dirait quelque chose, ils diraient hypocritement, et puis la mère, comme elle est sûrement pareille, elle va en penser pas moins, et dans le fond, elle va être fière de voir sa fille être dans la même lignée qu'elle, et voilà, du genre, c'est bien la fille à sa mémère, quoi. Non, mais c'est grave. Moi, pour moi, c'est tellement vulgaire et grave que on dirait vraiment des poubelles sur pattes. C'est-à-dire que c'est comme la fille que je t'ai montré la vidéo, immonde, dégueulasse, où on entend, c'est la phrase qu'elle a dit, là. On l'entend souvent, moi je l'ai déjà entendu dans la rue, ça, haut et fort en plus, devant tout le monde, de dire j'aime bien me faire taper le fond. Ça, ce n'est pas la première fois que je l'entends, ça. Pour cette vidéo, en tout cas, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous aviez sur le sexe. Ta position préférée? On entre dans le vif du sujet, le missionnaire, mais en fait, quand j'ai les jambes sur les épaules du mec, genre comme ça, le mec, il est vraiment en face de moi, il peut vraiment taper dans le fond, et comme ça, je peux jouir tranquillement. Je ne sentais pas son sexe. Je me rappelle, il m'envoyait des messages après, il me disait « Pourquoi tu fais pas de bruit quand je te fais l'amour et tout ?»« Mais mec, mais bouge-toi !» Genre, si tu fais des petits allers-retours comme ça, tout timide, moi, j'ai besoin que tu y ailles fort et que tu me frappes et que voilà. C'est très, très grave. Non, mais là, on est arrivé au bout. Moi, ça me donne envie de vomir. Non, mais sérieusement. Parce que, ok, moi j'ai des défauts, Joël il a des défauts, j'ai des défauts, ok, mais à un moment donné, ouais, j'ai mes limites, il faut dire stop, quoi. Non, mais bien sûr, parce que là, c'est vraiment une sexualité, on va dire, satanique, hein, de violence. Ben ouais, elle dit qu'elle aime se faire taper au fond, et après, elle dit, j'aime ça, j'aime jouir, et elle rigole en disant, j'aime jouir, comme une folle. C'est dégueulasse, cette vidéo, elle est hallucinante. Et le pire, c'est les coms, Jonathan. Les coms reflètent bien la société. Et Arnaud, comme est un gogol, un mongol, il ne voulait pas le voir. Et c'est hallucinant, les coms, parce que j'ai vu des coms. D'ailleurs, même hier soir, j'ai regardé les coms de cette même vidéo. Hallucinant. J'ai pété un plomb. Tous les coms approbatifs, quoi, dit-il. Parce que j'ai vu des coms, Jonathan, que j'aurais jamais imaginé de ma vie à mon âge, déjà. Il y avait des comme de petites filles de 11 ans, de 10 ans, quoi, qui commentaient. Et c'est là que je comprends pas les parents. Que font les parents? Mais comme tu disais, je pense que les parents sont autant immoralistes que leurs gosses. C'est pas possible que des gosses de cet âge-là laissent des comme hallucinants comme ça, quoi. Dans cette vidéo en plus, un peu quoi. Tôt. Parce qu'en plus, attends. En plus, ils la soutiennent à elle et ils se soutiennent à eux-mêmes. Et ils racontent même leur sexuel eux-mêmes, mais encore pire qu'elle. Alors c'est un double jeu bien pervers et très très grave. Non mais j'ai même pas de mots parce que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a des parents qui sont dans un laxisme par immoralisme, par communion, dit-on. Ben, c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi qu'il fallait un contrôle. Moi je suis pire que la Chine, moi. Moi je suis pour contrôler les parents pour savoir s'ils sont aptes pour avoir des gosses ou pas, et carrément un gosse par couple. Moi si je serais président, je serais pire qu'en Chine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais après, dans cette politique de conditionnement moral de l'accès à la parentalité, du droit de procréer, il faut aussi, par exemple, voir quand eux, s'ils manifestent la volonté commune d'avoir un deuxième enfant. et d'en avoir encore d'autres, regardez ce qui s'est passé avec le précédent. S'ils ont prouvé qu'ils étaient aptes à être parents avec l'enfant unique qu'ils ont déjà, et si c'est le cas, bah voilà, dire oui, ok, vous avez montré que vous êtes capable d'assumer les responsabilités parentales, de bien jouer votre rôle éducatif et que vous êtes assez mature, bah là oui, on peut vous concéder le droit de faire un deuxième gosse. Que là, ouais, il n'y a aucun conditionnement. Donc, et là, on l'a encore vu récemment dans l'actualité, hein, l'affaire Vanille, hein, où la fille, il n'y a pas de mots. T'as vu comment c'est immonde cette affaire ? Voilà, donc alors après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont instrumentaliser perversement cette affaire pour marginaliser mensongèrement, pour dire que c'est un cas très rare, marginal. Et voilà. C'est pas vrai du tout. Voilà, non, parce que là, ils ont médiatisé ce fait, mais il y en a tous les jours des faits comme ça, et des nombreux. Et exactement, ils ne médiatisent pas. Ça m'a écœuré. Attendez, la petite fille, elle a été écrasée comme une. Comme moins que rien, comme une mère, c'est dégueulasse. Non, non, mais c'est d'une injustice, d'autant plus que l'être là qui est victime n'a aucun moyen de se défendre. C'est dégueulasse. Non, mais il n'y a pas de mots. On est vraiment, là, on peut dire qu'on est vraiment à la fin des temps. Pour que ce genre d'aberration puisse avoir lieu. Elle est écrasée par un gros conteneur. Ben, tu t'imagines, un conteneur, ça pèse plusieurs tonnes. C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est immonde. Mais donc voilà, à travers ce fait, on a encore vu donc ce serait loin d'être du luxe que de mettre en place une politique de conditionnement moral de l'accès à la parentalité. Mais tu sais, c'est possible. Moi, j'ai même ma main à couper que par exemple les services sociaux et la CAF, s'il y aurait une vraie politique d'État de surveillance et surtout comme tu disais de créer, par exemple, si les couples sont aptes pour avoir des gosses psychologiquement et tout, ils peuvent le faire, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'en suis sûr que c'est possible. Ah non, mais c'est vraiment, totalement. Quoi. Après, bon, il ne s'agit pas que d'examiner le degré d'aptitude à la parentalité avant la procréation. Moi, je parlais d'un coup. Oui, voilà. Moi, quand je te dis ça, je parle d'un coup, c'est-à-dire psychologique, oui. Physique et ouais, tout. Oui, bien sûr. Et aussi, comment dire, après qu'il y ait un suivi, parce que sinon, ils vont usurper la moralité, la dignité et puis l'aptitude à être parent, hein, parce que ce sont des gens très faux, très avec une grande duplicité. Et après, bah, une fois que le gamin est né et que ça y est, ils ont eu la permission, ils vont se permettre n'importe quoi derrière, ils vont dire c'est bon. Moi, le seul truc que j'ai un peu peur, c'est que, ok, on a ce raisonnement, mais j'ai peur que ça fasse, tu sais, que par exemple, des contradicteurs. S'il serait là, il nous dirait, mais vous êtes trop dans la dictature, ça, etc. Oui, Est-ce que toi, tu penses que c'est une dictature ou pas? Pas du tout, non. Mais c'est que les gens, la majorité a été conditionnée à crier tout de suite au fascisme, à la dictature, dès qu'on on prône... Ben, le problème, c'est pourquoi finir. Je te dis ça. Dès qu'on prône le concept de conditionnement moral, ben, ça, c'est un truc auquel ils sont allergiques. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en Chine, le problème, c'est que c'est une dictature, ils ont fait cette politique-là. Oui, donc, ben après, c'est ça le problème. Après, on nous incite à voir ça comme une dictature sur ce plan-là. Bon, il y a un régime dictatorial là-bas, mais là, sur ce plan-là, ça, c'est pas forcément, ça relève pas forcément de la dictature, cet aspect-là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Surtout si on le ferait en France, ça n'aurait rien à voir avec là-bas. C'est une autre portée en France, donc parce que ça serait directement contrôlé par l'État et les services sociaux. Donc voilà. Ouais, quoi. Et puis c'est-à-dire qu'on nous incite à voir ces aspects-là comme étant les traits dictatoriaux des régimes là-bas, alors qu'il y a d'autres aspects plus dictatoriaux qu'on va pas nous inciter à voir. On va focaliser là-dessus, alors que c'est pas ces aspects-là qui sont dictatoriaux. Ça, c'est normal de conditionner la procréation. On peut pas laisser n'importe qui procréer et injecter des cons dans la société, parce que c'est ça qui se passe. Hein. Je leur disais à ma mère encore ce midi, quand on permet à des immoralistes, à des crétins, de faire des gosses à leur image, et puis qui seront même encore pires qu'eux, bah, on leur permet d'injecter des cons en plus dans la société, et de rajouter de la connerie à la connerie qui est déjà là, et qui est déjà suffisamment criminelle. Mais ouais, voilà. J'en ai parlé que t'as même des parents, comme j'avais dit avec l'émission la musique de Happiness, de ce clown, que tu vois, et pas que cette musique-là, beaucoup de gens mettent la musique à fond à des bébés, quoi. C'est immonde, quoi. Ouais, non, mais... c'est dégueulasse. Donc ils sont habitués à écouter un son hyper fort des bébés, dès l'enfance, dès la naissance quasiment. Et le bébé, il s'immoralise automatiquement, voilà, et même il devient sourd et ça joue sur sa santé, etc. Plus, etc. Donc c'est carrément des parents irresponsables. Non mais une fois, moi je l'ai vu plusieurs fois ça. Une fois je marchais et il y avait un feu rouge et il y avait un mec, un gros kéké qui avait mis du rap. Il y avait un petit bébé, quoi, derrière lui, quoi. Et le mec, il avait des enceintes énormes, ouais, des quoi. Trucs qui donnent bien, quoi. Je sais combien de... C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est irresponsable. Et en même temps, il peut tuer le bébé, ouais, quoi. Puis il peut le tuer, le quoi. Bébé, dans son état, il n'a pas la capacité d'exprimer que ça lui est nocif, que ça lui fait mal. C'est horrible, c'est horrible, horrible, horrible, horrible. On vit vraiment dans un monde de malades. Ce monde est malade. Mais bon, comme en fait c'est nous qui nous sommes malades pour la société, ben voilà, hein. Pour eux c'est nous qui nous sommes fous. Comme dirait Capucine, va sortir un coup, va promener, voilà. Non mais toute la folie ambiante qui les caractérise, elle nous est imputée. Ouais, pas qu'à nous, mais à tous les gens, je veux dire, qui ont un peu de bon sens. Parce qu'il leur faut pas grand-chose, hein. Un chouïa de moralité ou de bon sens, et ça y est, chez eux, c'est la crise, ils crient au fascisme, ils crient à la folie. Ah non, mais bientôt moi, je mets ma main à couper quand il y aura une troisième guerre mondiale, mais il y aura encore des imbéciles de masse qui ne vont pas y croire, qui ne vont pas le voir. Même si aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a un gars qui appuie sur le bouton et qui balance, par exemple, une bombe atomique à Paris, je mets ma main à couper, Jonathan, que en province, là où, comme moi, comme toi, beaucoup de gens n'y croiront pas. Ils vont dire, mais non, tout va bien, il ne s'est rien passé, ne vous inquiétez pas, l'élite sera toujours là, comme dirait Salim Lévy ou Skadi. Non, non, les francs-maçons sont toujours là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vrai, ce sont des images holographiques en 3D, ne croyez pas. C'est vraiment le monde des bisounours, ça, les enfants. Non, mais c'est... Bah, c'est une lâcheté, hein. C'est insupportable. Ouais. Bientôt, comme je t'avais dit, bientôt, il y aura des téléréalités de viol, de pédophilie, donc il y aura comme titre qui pour une sodomie en file indienne sur un enfant. Voilà, une téléréalité comme ça. Non, mais je rigole pas, moi, je mets ma main à couper, parce qu'on est tellement arrivé loin aujourd'hui, mais pas encore assez loin, qu'ils feront des téléréalités comme exactement, ça. Exactement, bah, là, on y va. Bientôt, il y aura des viols en direct, Pas de problème pour cette là, dans la journée, j'ai regardé un bout de l'émission Star à nu pour voir ce qu'ils avaient fait. Ah non, mais ça, tu sais quoi, Jonathan, quand tu m'en parles, j'ai envie de vomir. J'ai même pas regardé ni un seul épisode. Et bah, tu vois, ce que je t'avais dit, c'est confirmé. En fait, c'est exactement le même... la même recette que Danse avec les Stars, et d'ailleurs c'est le mec qui les coach, c'est le même, c'est un des mecs du jury de Danse avec les Stars, donc ils ont repris la même équipe, c'est les mêmes gens qui produisent, de pervers. Alors pervers. Je te garantis, Joël, c'est hallucinant, ça illustre tout ce qu'on dit sur la femme moderne, sur tous ces pervers, et on voit à travers cette émission et la réaction du public le consensus de pervers qu'il y a. Et on voit la complicité entre les gens et les gens des médias et tout ça, pour voir la femme se dévergonder et se désinhiber de plus en plus dans la société, parce qu'à la fin, quand elles font leur numéro, alors déjà, c'est que à la fin, et pendant toute l'émission, ils font croire qu'elles ont travaillé dur, qu'elles ont bossé pendant des semaines pour pouvoir arriver à faire ce numéro, comme si c'était un aboutissement de génialité. Voilà. Et à la fin, quand elles font leur truc, alors tu vois la Sublet et toutes les putes, la Sublet, elle est d'une impureté, d'une dégueulasse sur elle, c'est incroyable. Non mais elle est dégueulasse, moi je peux pas la voir, je la trouve dégueulasse. À la fin, dégueulasse, sans maquillage, et depuis que Soral se l'est tapé, c'est encore pire même. Mais elle est dégueulasse, sans maquillage, je l'ai vue sur Internet, elle est immonde, c'est une horreur, hein. C'est vraiment un film d'horreur. À la fin, elles font leur numéro et puis elles enlèvent leur soutif devant tout le public. Nous, on voit pas parce qu'elles sont de dos. Et quand elles enlèvent leur soutif, ils te mettent un message. Alors là, c'est très grave. Ils mettent sur pause et ils mettent un message. Parlez-en à votre médecin ou un truc comme ça. Comme si le fait de se mettre à poil devant tout le monde, c'était un truc thérapeutique qui relevait, de la médecine pour se soigner du cancer. C'est gravissime. Je vais l'archiver parce que c'est hallucinant. Et quand elles se foutent à poil, qu'elles font leur striptease et qu'elles se dénudent en plein prime time, tu vois des mecs, je te jure, Joël, dans le public, qui font des gestes avec le bras, tu sais, comme si, du genre, ouais, tu sais, des gestes de triomphe, tu sais, comme si c'était une... Ah ouais, comme en fait, si on était dans une arène de gladiateurs, tu sais, où les gens le... Oui, voilà, et comme si c'était une victoire contre le carcan moral, du genre, ouais, ça y est, on a réussi à foutre les femmes à poil sur un... Non, mais franchement, ça me fait penser comme si on était dans une arène de gladiateurs, quoi, c'est dégueulasse. Voilà, dégueulasse. Et après... Donc une fois que c'est fini, alors ils te font croire qu'il s'est passé quelque chose de divin, et tu vois la sublet, tu vois les extraits des réactions des nanas qui sont prêtées à ça, et tu vois la sublet, elle dit « ça y est, on l'a fait, mais c'est pour la bonne cause, attention !» en rigolant. « Oui, Didi, c'est pour la bonne cause !» Super, ah, je suis bien, ouais, grave. Non, c'était... Oh là là, c'était des sensations bizarres parce qu'il tremble un peu là. Non, non, mais... Je crois que je vais pas dormir de la nuit. Je pense que j'ai des étoiles plein les yeux. Ça va, ça y est, on l'a fait, c'est bien. Je suis super contente et puis de l'avoir fait avec les filles, c'était ouf. On était là pour le faire et on a tout donné. Je suis fière de l'avoir fait. On assume âge total. Les filles, prenez soin de vous, soyez vigilantes. Osez montrer votre poitrine à votre médecin. Voilà, on l'a fait devant vous, devant des millions de téléspectateurs. Donc voilà, on l'a fait maintenant, à vous de le faire, quoi. Allez-y, on l'a fait. C'est fini. C'était incroyable, incroyable expérience unique. Franchement, c'était un kiff. Je me suis dit, je vais être stressée, je l'étais. Mais au final, c'est un bon stress. Et contente, franchement, on a tout donné, on s'est éclaté. Tu sais, tu vois bien qu'elle est consciente que la bonne cause, c'est le... Une déchet, cette femme. Cette femme est une déchet, Jonathan. C'est une des pires déchets, pas que elle. C'est tous des déchets parce qu'ils tapinent tous, ils font que forniquer. Et d'ailleurs, ça se traduit dans leur corps. Tellement qu'ils sont immondes, leur corps se transforme en quelque chose de putride, de pourrissement de l'intérieur et de l'extérieur. Ah, non, mais c'est clair. Alors là, il te montre avec les coachs tous les trucs qu'ils ont fait avant pour préparer ce striptease. Parce qu'ils font croire que pour faire ça, elles auraient eu besoin... Alors là, c'est un mensonge épouvantable parce que toutes ces nanas qui ont fait ça, on sait très bien que ce sont des salopes à plein temps. Ce sont des salopes à plein temps qui, dans l'intimité, font bien pire que ça et font des partout, se mettent à poil devant. Elles couchent même avec des politiques. Elles couchent même avec des politiques. Mais si, donc, si tu veux, suffit, dans l'émission, on nous les fait passer pour des femmes prudes, des femmes pudiques qui ont un mal de chien à montrer leur poitrine devant des gens. Alors qu'on sait très bien qu'elles n'ont aucun complexe, que ce sont des salopes. Mais c'est pas vrai, il y a eu plusieurs vidéos où la majorité des présentatrices sont, on n'en met pas de soucis, donc de quoi on parle? Non, mais c'est hallucinant. Alors on te fait croire qu'elles ont dû être préparées pendant des mois en amont et faire un travail sur elles pour arriver à faire sauter le tabou et l'inhibition et la gêne de se montrer à poil devant des gens. Alors, par exemple, à un moment, ils leur font faire un atelier où elles font du dessin nu, tu sais, elles posent en modèle de nu pour des dessinateurs, et tu les vois, bon, ils ne montrent pas leur partie, tout ça, hein, c'est caché, mais ils font comprendre qu'elles sont à poil et tout ça, et tu vois la sublet, tu en vois d'autres qui posent et tout, et puis elles font croire que c'est une expérience très enrichissante, que c'est toujours ce mythe comme quoi ça rend la femme à l'aise, comme si ça faisait renaître la femme à elle-même, comme si ça lui révélait sa vraie nature de femme que de se mettre à poil devant les autres, c'est hallucinant. Et alors elles simulent tout être en extase, comme si c'était le plus beau jour de leur vie, comme si elles découvraient des sensations inédites. Ta mère, quand je voudrais avoir ton opinion, ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense? Non, elle l'a pas vu, j'y en ai touché mot tout à l'heure, elle a dit il faudra qu'on le regarde, tu sais, juste pour voir de quoi il s'agit. J'ai dit oui, mais ça la choque, hein, ça la choque aussi, hein, mais c'est hallucinant. Par contre, je voulais avoir ta confirmation, vu que je connais pas cette émission de merde et j'avais pas envie de le voir. C'était que des femmes blanches, comme par hasard? Non, il y avait deux noires, donc il y a la Nadège Ndiaye, je sais pas quoi, là, qui monte en puissance, qui est une chouchoute de Galabru, là, Ah, c'est pas celle qui est sur TPMP, elle est à TPMP maintenant, elle. Je crois que c'est elle, hein. Ou alors elle est arrivée très récemment, si elle est chez TPMP. Ah non, elle, ça fait un moment maintenant qu'elle est chez Hanouna. C'est Nadège Bosson Ndiaye. Il me semble qu'il y en a une, qu'il y a une noire qu'elle était chez Hanouna. Je crois que c'est elle. Elle y est passée, mais en tant qu'invitée, mais pas en tant que chroniqueuse. Mais c'est quelqu'un qui font monter en plus. Si, il me semble qu'elle a été chroniqueuse à un moment. Possible que j'ai loupé. Tu sais, moi, je suis pas... Mais oui, c'est possible. Alors bon, elle fait partie de la cohorte des actrices spécialisées un peu dans le cinéma anti-blanc. D'ailleurs, quand il y a eu le truc à Cannes, tu sais, où il y a toutes les noires, là, ils avaient fait... Il y avait la Samaïga, là, on en avait parlé. Hein, tu te rappelles, elle se dandinait, elle criait qu'il n'y avait pas assez de respect pour les femmes noires dans le milieu du cinéma. Noir n'est pas mon métier. T'as aussi une maghrébine qui monte beaucoup, elle est beaucoup dans les pubs L'Oréal, c'est Leïla Bekri. Elle fait chier, elle aussi. Ouais, t'as vu la pub L'Oréal, quand elle dit c'est mon teint de peau ou je sais pas quoi, il y a des jeux de mots très pervers. Elle est... Non, mais ça fait plusieurs fois qu'elle aussi, elle représente bien l'arabocratisme. Ah non, mais elle est infâme. Hein. Et elle fait partie aussi des chouchoutes, des politiques, des... Oui, oui, non, mais tous ces gens ont été mis en place par SOS antiracisme, donc Julien Dré, Arlène Désir, Jacques Attali, il est là. Il est très présent dans tout ça. Et c'est hallucinant, franchement, ça... C'est immonde. Mais comment ces gens, ils peuvent se mettre à poil? Ils n'ont pas honte. Mais le public, comme tu me dis, ça me choque. Alors, c'est révélateur, parce que quand on analyse les profils des nanas qui ont été castées, hein, après, il y en aura d'autres, hein, parce que c'est comme Danse avec les Stars, il y a une équipe, et puis à la prochaine émission, ce sera une autre troupe de nanas. Oh, ah bon? Ah, mais moi, je croyais qu'il y en avait qu'une seule, en fait, et une dernière, je crois que, en tout cas, c'est sûr, vu le succès que ça a l'air d'avoir eu, je pense qu'ils vont le refaire. Hein. Oh, dégueulasse. Ouais, je pense qu'ils vont le refaire, c'est quasiment sûr. Et là, donc, ils ont pris différents profils. Ils ont pris un peu une grosse, ils ont pris une nana qui est un peu plus enrobée, qui est un peu ronde, ils ont pris des nanas plus minces, ils en ont pris une qui est un peu plus pimbèche, tu sais, blondasse, assez maigre, assez rachitique. Ils ont pris la Diagne qui est un peu entre les deux, ils ont pris quelques noirs, ils ont pris un peu tous les profils pour qu'un peu toutes les femmes puissent se reconnaître et s'identifier, parce qu'ils veulent que tous les profils de femmes puissent s'identifier aux femmes qui étaient dedans, quoi. Donc c'est très très pervers. Et puis surtout, mais la fin, c'est hallucinant, parce que tu vois, les mecs, ils jubilent, quoi, ils jouissent d'assister au truc. Et surtout, ils font passer ça pour un truc thérapeutique. Quel lien il y a entre ça et le cancer du sein? Parce qu'ils font croire que quand les femmes ont le cancer du sein, elles ont tendance à s'introvertir, tu sais, parce qu'elles ont honte. Non, mais ça n'a aucun rapport avec le cancer du sein. Ça aussi, il faudra le dénoncer, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est de la perversité visuelle, en fait. Oui, et puis c'est très pervers parce qu'ils instrumentalisent la maladie qu'ont certaines femmes. Ils savent que de plus en plus de femmes sont touchées par le cancer du sein. Ils utilisent cette maladie à laquelle elles sont confrontées pour les manipuler et les pervertir. En leur faisant croire que quand elles ont le cancer du sein, pour s'en sortir face à ce cancer, il faut à tout prix qu'elles se dénudent ou qu'elles se débrident. Parce que sinon, elles vont mourir, soi-disant, en tant que femmes. Tu sais, ils leur font peur et ils font croire que le cancer va les inciter à perdre leur libido, leur vie sexuelle et tout ça. Comme en plus tout ça est sacralisé, bah, il y en a beaucoup, en conne qu'elles sont. Elles vont inclure, en fin de compte, de la fornication, des comportements de débauché dans la thérapie. Dans la thérapie, comme si c'était un élément consubstantiel de la thérapie pour guérir du cancer. Et là, ils sont en plein dans l'apologie de ça, dans cette émission. Je regardais le programme télé de soir, ils vont diffuser encore un film raciste, là, Il a déjà tes yeux, avec Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga, justement, sur France 2. Ah, ben en parlant de lui, ça fait que passer cette vidéo de cette émission de merde qu'il a fait. Pourquoi, c'était quoi l'émission qu'il avait pourquoi fait de merde? Pourquoi nous déteste-t-il? En fait, il a participé à un épisode. Voilà, pourquoi nous déteste-t-il trilogie. Alors il y avait les trois intouchables, et ça arrête pas de passer ça. En boucle. C'est-à-dire que dedans, il y a une interview de Henri de Lesquin, où il utilise la connerie d'Henri de Lesquin pour se donner raison. Mais à un moment, il y a une autre interview dedans où il interviewe un soi-disant anthropologue, ou je ne sais plus, anthropologue, il me semble. Et puis il arrive à lui soutirer qu'on serait tous originaires d'Afrique. Alors là, il jubile et tu le vois, il fait « Ouais, je l'ai eu !» Il faut le prendre, ça. C'est hallucinant, ça. Bah, je l'ai archivé et je voulais le placer, oui, parce que on voit que le mec, en fait, il cherche à manipuler son interlocuteur en utilisant son statut d'expert pour lui faire corroborer, lui soutirer des aveux de consensuels, en fait, pour corroborer sa thèse afrocratique, quoi. Donc c'est dégueulasse, quoi. Non, mais c'est ça qui fait froid dans le dos, c'est-à-dire que c'est à cause de l'élite, ça. C'est-à-dire que la théorie de Darwin, je pense que ce mec, vu qu'il est, c'était un franc-maçon, je rappelle qu'il appartenait à la secte de la Royal Society, etc. C'était un gros pédophile qui couchait avec sa cousine et sa famille. Il a deux enfants qui sont morts très jeunes. Darwin... Attends. Attends, je pense que Darwin a fait d'énormes dégâts et c'est eux, je mets ma main à couper, c'est eux, Darwin et toute la clique qui ont créé le paradigme. Je pense, moi j'en suis quasiment sûr, automatiquement, ce phénomène d'afrocentrisme et arabocentrisme. Parce que c'est à cause d'eux en fait. Parce que ça, moi je mets ma main à couper qu'avant Darwin, on n'avait pas tout ça. Non mais t'as raison, en fait, il fallait, en fait, pour pouvoir amener ces idéologies racistes, néo-racistes, il fallait une base paradigmatique, un paradigme de base. Voilà, moi je pense que les élites ont tout prévu à l'avance, et les élites ont tout prévu à l'avance, et depuis des siècles, et c'est inquiétant, Jonathan, et ça il va falloir en parler, parce que quand on regarde les archives, avant Darwin, il n'y avait pas ce débat de noir, de blanc, tout le monde commerçait avec tout le monde, il n'y avait pas ça. Alors ok, il y avait du racisme, c'est vrai. Mais je pense que ça a été monté aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a été amplifié par Darwin et sa pseudo-théorie de l'évolution. Et ça, il va falloir le dénoncer. Oui, ça a servi de base structurelle, si je puis dire, au paradigme. Voilà, de base, que ensuite les trois intouchables prennent justement cette base pour acquis. Et puis, puis rajouter leur pierre à l'édifice. Bah oui, parce que comme par hasard, les êtres animaliers, primates, desquels on serait les descendants, hein, selon la théorie de l'évolution darwinienne, comme par hasard, et habiter en Afrique, c'est bizarre. Oui, voilà, donc tout est lié, et c'est inquiétant. Franchement, il va falloir parler de ça, parce que quel est le rapport? Moi, je n'ai jamais cru en cette théorie, à part que quand j'étais à l'école, comme un imbécile, j'ai gobé ça. Ah oui, bah oui, mais bon. Et je ne crois pas. Non, bah, après, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que faut pas tomber, sous prétexte d'anti-darwinisme, il faut pas tomber dans le créationnisme biblique ou à la sauce judaïque ou judéo-islamico-biblique, on va dire. Parce qu'il y a une récupération du créationnisme à l'aune de ces bigoteries. Oui, oui, beaucoup, hein. Notamment aux États-Unis et ici en Occident avec les témoins de Jéhovah, les évangélistes, voilà. Il y en a beaucoup. Donc beaucoup, là, hein. Au même titre que comme on avait dit, il faut réhabiliter la vraie religion en rappelant ce qu'est la vraie religion hors de ses dogmes, il faut faire aussi rappeler en même temps, et ça va de pair, hein, ce qu'est le vrai créationnisme hors de ces mêmes dogmes, puisque ces dogmes ont aussi usurpé le créationnisme du coup. Parce qu'à chaque fois, on l'a encore vu dans un reportage que tu m'avais niqué, à chaque fois qu'on entend parler de créationnisme dans les médias, c'est toujours à l'aune du biblisme, toujours avec le délire Dieu a créé la terre en 7 jours, machin, toutes ces conneries-là. Non, ça c'est absurde, c'est ridicule. On peut être dans un créationnisme hors de ces dogmes et de ces ses croyances délirantes en ses livres ridicules. C'est très ridicule, puisque même scientifiquement, même si tu n'es pas un grand scientifique, quand tu regardes, par exemple, quand tu vas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, que tu vois les strates des roches, automatiquement, tu vois que ça ne peut pas se faire en 7 jours. Donc, il faut vraiment être un être débile, quoi. Attends, moi je suis allé dans les montagnes, tu vois les strates... comment à peu près se fait les roches, ça dure des millions et des milliards d'années, donc on se fout de notre gueule, quoi. Non, mais ça va trop loin, leur théorie est vraiment bidon, il faut vraiment être fou pour croire ça, 7 jours c'est trop vite. Ah non, vite, mais ça c'est quasiment impossible. Non, mais c'est ridicule, hein. Ça fait partie des fables et des... Attendez, ouais, des berceuses. Une formation, automatiquement, il n'y a même pas besoin d'avoir un bac plus 5, automatiquement, une roche, une pierre à la base, dure des millions d'années pour se former, donc voire des dizaines de millions d'années, voire des milliards. Donc c'est impossible. Donc c'est alors, foutage de le gueule, problème quoi. Avec Darwin et ce qui fait qu'il y a des gens, avec le darwinisme, ce qui fait qu'il y a des gens qui y adhèrent, c'est qu'il y a une partie de vrai, mais le problème c'est que le darwinisme, il pousse le... Il pousse trop le fossé au bout de la fosse. Parce qu'il y a quoi. Une base de réalité, il y a une part de gènes qui changent, qui sont muables chez chaque être vivant, pour allier ça à l'épigénétique, hein. Parce que lui, en fait, je ne sais pas si tu avais vu son reportage sur lui, lui disait, bon, après, tu as vu, maintenant, on voit des vidéos où il y a des gens, ils rectifient. Alors, tu as des kékés comme Astrono Geek, un vrai dégénéré, ce mec, qui disait, non, mais c'est pas vrai, vous vous confondez, Darwin n'a jamais dit que l'homme venait du singe, pourtant, il l'avait dit. Hein. En fait, il dit maintenant, il y a certains youtubeurs, bon, qui font partie du système, hein, on a compris, hein, qui disent que non, Darwin n'a pas dit ça. En fait, Darwin se base sur l'évolution qu'il a eue au Galapagos, etc. Il a vu le changement de certains êtres. Alors ça, c'est vrai, c'est exactement vrai. Que les êtres s'adaptent, etc. Donc, automatiquement, il y a des gènes qui mutent. Mais ça dure, voilà, il y a génétique. Mais ce qu'il dit, c'est que ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça dure longtemps. Bon, ça, ok. Mais de dire que l'homme vient totalement du singe, parce qu'encore scientifiquement, il y a des scientifiques qui disent que le sang du singe est égal à l'homme. Hein. Il y a encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais là où le Darwin a fait une grave erreur, et bon, ça a été voulu, hein, c'était son travail d'agent, hein, de la Royal Society notamment, c'est qu'il exagère l'adaptation de l'espèce. En fait, il pousse le truc en faisant croire qu'un être d'une espèce peut muter, tellement changer, qu'il peut changer d'espèce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que c'est une exagération. Ouais, en fait, il y a une partie exactement, des gènes. Je suis d'accord avec toi. Chaque être vivant, qu'importe son espèce, peut changer un petit peu, s'adapter, parce qu'il y a un impact de l'environnement, hein, donc le climat, toutes sortes de choses, qui peut impacter sur certains de ces gènes, dont certains peuvent être héréditaires. Hein, ça a été bien pensé par la nature pour éviter à la progéniture d'avoir à se réadapter. Donc on retrouve ça aussi chez l'homme, par exemple, avec la pigmentation de la peau, hein, ou par exemple des Africains qui ont acquis le caractère de la noirceur de peau, bah, l'enfant va hériter biologiquement de ce caractère-là, de cette pigmentation, ce qui évite aux enfants d'avoir à réacquérir ce caractère qui leur permet d'être protégés tout de suite du soleil notamment. Donc ça, c'est bien pensé par la nature, hein, c'est une grande intelligence de Dieu. Donc il y a une hérédité. Moi, j'ai du mal à y croire à ça parce que moi, j'ai connu des noirs dans ma classe qui avaient des coups de soleil. Hein. Ouais, bah oui, bah, ça protège, mais pas non plus... C'est pas non plus parfait, quoi. Eh ouais, parce que moi, dans ma classe, bon, ils n'étaient pas noir, mais ils étaient noirs. Mais je veux dire, ils avaient des coups de soleil. Oui. Mais par contre, le fait d'être pigmenté, bah, ça quand même, ça protège un petit peu. C'est pas parfait, mais ça atténue. Ça protège un petit peu, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, oui. Mais je veux dire, donc là, en fait, Darwin, il est parti d'une réalité qui a effectivement une adaptation, mais il l'a exagéré à tel point qu'il a prétendu qu'il y aurait une muabilité totale qui irait jusqu'à la mutation en une autre espèce. Et là, c'est très très grave parce que c'est un... Ouais, en fait, toi, ce que tu veux dire, c'est que ce type, il a tellement exagéré qu'à l'entendre, on est... Notre qu'on peut muter, tu sais, style comme dans les films de science-fiction. Voilà. Bon, après, en un certain temps, hein, en un espace-temps, pas en une minute ou en cinq minutes, ni même en quelques années, mais sur plusieurs générations. Mais ça, c'est pas possible, parce qu'il y a vraiment il y a une immuabilité des espèces qui a été voulu par Dieu avec... voilà, donc il faut pas exagérer, parce que là, il pervertit les lois de la nature, Darwin. Il y a une perversion à ce niveau-là. Il y a un irréalisme total. Pour moi, ce type, c'est un imposteur, en fait. C'est un des plus grands imposteurs de tous les temps. Et d'ailleurs, mais je veux avoir ton avis. Toi, tu penses vraiment qu'on vient tous d'Afrique? Sérieusement? Non, pas du tout. Non. Moi, j'y crois pas. Pour moi, il y a eu des... Tous les ethnies étaient déjà établies sur les continents. Et moi, c'est ma théorie, j'irai encore plus loin. Je pense que, bon, disons, si Darwin croit en cette théorie que l'on descend du singe, moi, je vais plus loin, je pense que chaque ethnie, il y avait des singes dans chaque continent, en fait. Moi, je pense. Hein. Je pense qu'il devait avoir plusieurs espèces de singes, donc et des ethnies aussi, des futures ethnies, et qui je pense, hein, eux-mêmes se sont établis sur déjà... se sont éloignés des continents, non, se sont été établis dans les continents, et c'est ça qui a permis l'évolution de l'ethnie blanche, noire et tout ça, mais de faire croire que tout le monde vient d'Afrique, non, ça c'est des conneries, j'ai du mal à y croire, l'Asiatique, non, mais ça c'est, tout ça c'est des inventions, bon après ils sont très forts en sophisme, et ils déploient l'artillerie lourde pour simuler un fondement à tout ça, un côté irréfutable à tout ça, pour appuyer leur truc et l'enraciner dans les esprits, mais tout ça c'est à fond afrocratique, hein, ça n'a que pour but d'afrocratiser les gens, afro-arabocratique, pardon, les mentalités, hein, c'est tout, hein, ça va pas plus loin. Alors après, bon, aussi après, faut parler aussi de cet éclatement en continent, parce qu'au début, il y avait peut-être pas plusieurs continents, hein, ça s'est morcelé. Oui, voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, je pense, comme tu dis, que ce que l'on nous cache aussi, c'est que quand il y avait la Pangée, je crois, ou la... Ce phénomène qui a provoqué le morcellement des continents, moi, Oui, non, mais quand c'était tout rattaché, je pense que les hommes, justement, à cette époque-là, les hommes, alors on nous fait croire qu'il n'y avait pas d'être humain sur Terre, mais ça, j'y crois pas du tout. Je pense que même, c'est la première civilisation qui était vraiment morale était celle-là, justement. Quand il y avait un seul et même continent tout rattaché, et que c'est par l'immoralisme que les continents s'est détaché. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, on en avait parlé. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que oui, comme tu le dis, ils ont atteint un tel niveau d'immoralité et d'irresponsabilité qu'il y a eu des conséquences sur la nature, sur le milieu environ. voilà. Sur la nature et sur le spirituel. Voilà, et il y a eu des vents, une réaction de la nature, des catastrophes, et ces catastrophes ont provoqué sûrement le morcellement des continents. Par contre, quand oui. ces terres ont bougé pour se morceler, je ne pense pas que l'homme ait pu survivre à ça. Il y a peut-être eu une espèce de décimation, et après une... Parce que bon, ça a quand même dû... il y a eu des séismes. Ah oui. Non, mais je pense qu'il devait avoir une civilisation. Et je pense qu'on nous cache le complot de l'Atlantide. Et je pense, je vais même plus loin, je pense que l'Atlantide, en fait, c'est pas ce que l'on nous dit. Et je pense que l'Atlantide, c'était le grand continent quand tous les pays étaient rattachés. Je pense que c'était ça, l'Atlantide. Et c'était une civilisation morale. Et très spirituelle, quoi, et morale, quoi. Et après, il y a eu une séparation. De certains, parce qu'il y a toujours une, tu sais, Jonathan, surtout quand, parce que c'est ça qu'on veut pas aussi nous dire aussi, et je pense que, je sais pas si on a parlé, c'est que même une société, la plus parfaite qui soit, tu auras toujours des petits groupes qui vont se former, qui vont dévier, et je pense que certains groupes se sont déviés, et puis c'est ça qui a créé la chute de l'Atlantide et la séparation des continents, quoi. Quand même, ce témoignage je crois que c'est Aristote, et même Platon, c'était une civilisation assez hallucinante parce que, à ce qui paraît, ils avaient des technologies pires que maintenant, ouais. En fait. Il y en a même qui disent qu'ils avaient des technologies électromagnétiques. Donc, il y a des questions à se poser quand même. Hein. Ouais, non, mais parce que, comme eux, là, ils veulent, avec ce projet immonde, ils veulent reprovoquer la chute, hein, le chaos. Hein, ils nient qu'il y a déjà eu des fiascos de ce genre avant, quoi. Parce que si c'était reconnu par les gens, ils se diraient, on va pas reproduire, on va pas refaire la même chose, tirons le son. Voilà, que là, en gommant les anciens fiascos, les chutes des anciennes civilisations, en conditionnant les gens à les ignorer, voilà, on enlève cette possibilité de tirer des leçons de morale du passé, quoi. Et c'est ça qui est grave. Justement, les anciennes civilisations le montrent. Notamment, je t'ai montré un reportage sur Discord d'un certain Pouillard qui a fait un reportage assez hallucinant sur l'Égypte. En fait, lui, il démontre que l'Égypte est le témoignage décadence. C'est-à-dire que les Égyptiens, ce qui est fou, c'est que les pharaons savaient comment allait se terminer le monde et les prochaines générations et civilisations qui allaient venir. Et c'est pour ça qu'ils ont construit les pyramides. C'était pour avertir le monde entier, en fait. Et lui, il a démontré ça par un reportage, pour que les gens prennent conscience et ne pas faire les erreurs du passé. Et c'est ça, la pyramide, en fait. Mais en fait, lui, il dit, il explique que certains textes et tout ça, il y a une suite dans son reportage. Donc, moi, je ne l'ai pas vu totalement en entier, mais de ce que j'ai compris, c'était ça, quoi. Et pas que dans les pyramides, les Aztèques et les Mayas aussi. Les pyramides qu'il y a en Amérique du Sud et en Amérique centrale, c'est pour aussi montrer aux prochaines générations, c'est-à-dire aux nôtres en plus, c'est ça qui est assez fou et hallucinant de leur civilisation hallucinante aussi. Mais c'est un témoin. Pour expliquer comment ne pas faire les mêmes erreurs que nous, quoi. Alors le problème, c'est que comme tu dis, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que ce sont des métamachines, c'est-à-dire des machines électromagnétiques et tout ça. En fait, c'est des centrales électriques, pour te résumer. Et ça aussi, j'y crois aussi. Hein. Des centrales électriques, ça, j'y crois vraiment. Parce qu'il y a des trucs qui sont assez louches, notamment... je rappelle que quand Napoléon est arrivé le premier en Égypte, il y avait un pyramidion en haut, et il était en or massif. Hein. Donc, qui dit or massif, dit... conducteur, dit fabrication d'électricité, etc. Et je rappelle que ce pyramidion, quand tu vas en Égypte, il n'existe plus. Donc on l'a volé, faut le savoir. Il y en a qui disent non, il a disparu depuis le début. Non. Il y a des témoignages comme quoi il y a le pyramidion, il a existé, c'était de l'or massif et il n'existe plus. Et donc la théorie comme quoi c'était les premières centrales, on va dire électriques, pas nucléaires, mais électriques, l'électricité, on va dire très archaïque de base, ça j'y crois beaucoup, Jonathan, parce qu'il y a des trucs assez louches quand même, hein, parce qu'on voit aussi, on ne sait toujours pas comment les Égyptiens ont pu plaquer l'or, hein, sur les tombes, parce qu'il faut avoir quand même un savoir-faire pour faire un plaquage de l'or, donc pour moi ils avaient des connaissances électriques, électromagnétiques. On a retrouvé aussi dans la pyramide du cuivre, beaucoup de cuivre. On a retrouvé du... comment on appelle ça? Quand je parle du cuivre, c'est-à-dire ils ont retrouvé du cuivre en forme de... Tu sais, dans la chambre de la reine, oui, il y a du cuivre, il y a du nickel et du phosphate. Donc tout ça, c'est pour amener le marbre rose, parce qu'ils voulaient du marbre. Et le marbre, en fait, quand on analyse le marbre, bon, il y a du je sais pas comment ils appellent ça, du phosphate ou je sais pas quoi, et tout ça peut créer de l'électricité, en fait. Donc il y en a beaucoup qui le pensent, ça, que les pyramides, c'était pas comme on le dit, des tombes. Alors beaucoup maintenant commencent à dire des vérités, même chez l'élite officielle. Il y en a qui disent que ce n'est peut-être pas une tombe. Je te montrerai ce reportage. Et il y en a beaucoup, bon, ça c'est dans la sphère un peu plus complotiste, qui pensent que c'est plus une centrale électrique, mais pas moderne comme maintenant. Mais déjà, c'est pas mal pour l'époque. Mais moi, je croyais que les pyramides, c'était surtout, en fin de compte, des édifices pour faire sommeiller... Non, tu sais, dans leur croyance délirante de pouvoir déjouer la loi de mortalité. Oui, il y a ça aussi, mais il y en a qui disent à la base que c'est une des tombes, donc des sarcophages. Mais alors maintenant, ils disent des cénotaphes, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils mettent le mort sur la tombe. Après, ils le ressortent parce qu'ils estimaient que le mort, dès qu'on le mettait dans la tombe, il allait, comme tu disais, déjouer les lois de la mort. Mais après, ils ressortaient le corps. Mais alors c'est du oui, avec ce délire de renaître voilà, au jour, tous ces trucs-là. Mais moi, je pense sérieusement que c'était peut-être une vraie centrale électrique, mais très écologique pour l'époque, pas moderne comme maintenant, mais on va dire une centrale électrique archaïque, mais qui fonctionnait très très bien, quoi. Qui leur permettait d'avoir de la lumière, etc., de créer une vraie civilisation pour leur époque, bien sûr, comme je le dis. Et voilà, quoi. Moi, j'y crois vraiment, quoi. Parce qu'on nous fait croire que c'était des civilisations débiles. Et moi, c'est ça qui m'énerve, Jonathan. Mais vraiment, ça m'énerve au plus haut point. On fait croire encore aujourd'hui que c'était des civilisations, tu sais, très mongoles, très débiles, avec leurs gourdins à la main, qui frappaient les gens. Mais non. C'était des civilisations très, très développées et qui pourraient même nous permettre de faire des économies d'énergie et tout ça, quoi. Et des savoirs qu'on a perdus, d'ailleurs. Ouais, ils avaient sûrement aussi des connaissances alchimiques assez poussées, du coup, quoi, forcément. Ouais, voilà. Même si c'est pas très si poussé, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, t'as vu quand même, on a des centrales nucléaires, bon, qui sont dangereuses, mais qui sont quand même beaucoup mieux que ceux qu'il y avait à l'époque. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que aujourd'hui, les officiels croient que les anciennes civilisations, non, c'était des abrutis, des débiles, des barbares, comme ils aiment bien dire, des barbares. Mais après, ce qui est sûr... Pour le blanc est un barbare, le blanc, il avait un gourdin dans la main, il avait une toutoise en animal, il avait un gourdin, et ça c'est très dans la bouche des islamo-négrocrates et judéocrates aussi, que le blanc, il était habillé en peau de mouton, en peau de bête, il avait un gourdin dans la main, et c'était le grand méchant blanc qui frappait les Noirs et les Arabes en Afrique, sûr, quoi, en faisant des conquêtes. Oui, bien sûr, oui. Alors que les conquêtes arabes, personne n'en parle des massacres qu'ils ont fait. C'était un pur génocide, d'ailleurs. Hein. Parce que le prophète Mahomet était son conquérant. C'est lui le barbare. Parce que quand même, il a tué des millions de personnes, quoi. Tout ce qu'ont subi des Blancs, en génocide ou en... est nié dans l'histoire, hein. Il y a un négationnisme raciste. Le communisme aussi, hein. Le communisme qui a fait plus de 200 millions de morts, et ça, la Rokhaya Diallo, elle n'en parle pas. Voilà, non, ça n'existe pas. Pour elle, le racisme anti-blanc n'existe pas, le blanc n'a pas souffert, les pays de l'Est et l'Europe n'ont pas souffert avec le communisme. Non, oui, bien entendu. Tu m'avais linké Jean Messira, là, chez TPMP, hein. Alors, oui. J'ai regardé l'extrait. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que Schiappa, elle était dedans, dans l'émission. Hein. Alors, t'as vu comment elle dégayait. Hallucinant, cette meuf. Dès qu'on lui dit la vérité, ils paniquent tous. Tout le monde dans le plateau panique tout. Alors, d'accord, Jonathan, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec le RN parce que ce type est un peu impliqué. Hein. Mais il a dit des vérités, Jonathan. Je suis désolé, je suis d'accord avec lui. Mais c'est inquiétant et dérangeant que ces vérités soient permises d'émission dans des plateaux télé et d'être porté par le RN, parce que du coup, ça joue le jeu, et là, le mec, il est en idiot utile. Ben, ça met l'opinion des gens... Ben, on utilise le FN pour rendre le discours de vérité qu'il a porté, ce mec détestable aux yeux des gens, du fait qu'on souligne bien l'appartenance au RN du type, que c'est lui qui le porte et qu'il est étiqueté RN. Hein. Les invités, ils n'ont pas assez de leur bouche pour bien souligner qu'il est RN, et d'ailleurs, le Hanouna, il en profite bien. Alors, Nolo, t'as vu comment il est immonde, Nolo ? Nolo et Zeribi sont immondes. Et donc, du coup, ça rend ce discours de cette vérité encore plus détestable aux yeux du grand public. Voilà. Parce que c'est porté. Voilà. Et comme ça, quand nous, on va dire ces mêmes vérités, on va nous dire « Ah, mais c'est les gens du RN qui disent ça. Donc, vous êtes du RN. » Alors, non, on n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que la télévision, il faut la brûler. Il faut que cette émission de TPMP disparaisse. Il faut qu'elle arrête. Parce qu'il faut qu'elle Lundi, il y a la baltringue de Rost hein, qui est venue chez Morandini. Et qui, alors lui, tu sais, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui dit un peu des trucs contre l'antiracisme officiel à la télé, tu as ce chien de garde du xénocratisme qui vient aboyer sur les plateaux. Ils le sortent. Rost. Mais c'est racisme, Jonathan, quoi? Tu le sais? C'est un des chefs de SOS Racisme. Oui, il est très aimé des politiques. Il a été coopté, dans la maçonnerie et dans la politique pour venir faire son... Bellata voilà, aussi, ouais. Hein. Et Ross, il est ridicule. Moi, je l'ai connu avant tout ça en tant que rappeur. Je ne connais pas, j'ai jamais écouté avant, sa musique, si tu veux, qu'il soit dans ce délire de tapin dans les médias pour faire ce truc antiraciste. Il faisait la même propagande du faux antiracisme en rap, avec beaucoup d'islamo-négrocrates racailleux. Il y avait un morceau qui s'appelait « Enfants de la patrie » avec des gens de la Scrète Connexion. Hein. Je crois que c'est des gens du 18e de Paris. Et ils avaient fait un morceau immonde qui s'appelait « Enfants de la patrie » où ils chialaient. Et ils disaient « On ne sera jamais considérés comme des enfants de la patrie. Nous, on est les rebuts de la société en France. On est toujours victimes de discrimination. » Blablabla. Tout ça. Mais là, donc, il a ouvert sa gueule. Et le mec, il dit que... Au début hein, de l'extrait là, que j'ai vu sur la page, chez Morandini, lundi, il dit que quand on allume la télé, il le dit, il faudra que je le prenne cet extrait, quand on allume la télé française, c'est blanc, blanc, blanc partout, blanc tout le temps, blanc, blanc, blanc partout, il dit, du blanc partout. Ah bon ? Moi, je sais pas où il a vu ça, hein, plus le temps passe, plus il y a que du noir et des arabes, il y en a partout. Ben a ouais, donc du juif, du noir et des arabes, il n'y a plus de blanc d'ailleurs. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que Morandini, qui on sait est un collabo, moi, voilà, c'est un pédophile voilà. Le mec par contre, il lui tient tête et il lui dit, mais ce que vous dites c'est raciste, vous êtes... Si par exemple quelqu'un venait sur un plateau et disait que la télé c'est tout le temps noir, noir, noir, vous seriez le premier à le traiter de raciste. Par contre, là dans l'autre sens, tu vois, il a une rhétorique, une répartie assez intéressante, mais à mon avis c'est voulu, c'est orchestré, c'est un sketch, parce que pour que Morandini dise ça, c'est bizarre. Donc on dirait que les médias, ouais, exactement, surtout venant de lui, un homosexuel, mais c'est pervers parce que dans l'inversion qu'ils veulent faire, les médias sont en train d'essayer de se faire passer pour des défenseurs des blancs et des français dans certaines émissions, pour donner matière aux islamo-négrocrates à accréditer, tu sais, leur théorie du complot pour dire oh, « les médias sont pour les blancs, quoi », tu vois. Et bah, tu as des animateurs complices comme Morandini qui se mettent à sortir des répliques comme nous, on dirait, quoi, tu vois, des trucs « ouais, il y en a marre du deux poids, deux mesures, il y a du racisme anti-blanc », à un moment, il le dit, hein, « c'est pas un peu du racisme anti-blanc ce que vous faites ?» Il dit ça, et l'autre, il éclate de rire, le Rost, il dit « le racisme anti blanc, bon, tu vois, comme si c'était un truc qui serait bête d'évoquer, quoi, que ça, c'est un truc inexistant, quoi, tu vois, et c'est bizarre de la part de Morandini, quoi, c'est que vraiment, il y a un truc louche qui se prépare, pour que lui, il commence à jouer le dénonciateur du racisme anti-blanc, c'est que, ouais, vraiment, c'est inquiétant, là. Mais tu ça vois fait, que, comme tu dis tout à l'heure par rapport à Schiappa, là, le Rost, il commençait à bégayer, il commençait à être dans tous ses états. Non mais tous dans le plateau, ils ont pété un plomb, ils n'arrêtent pas de bégayer. Même Schiappa, elle était là, elle pouvait même plus parler, tellement que dès qu'on lui dit la vérité, la meuf, elle était hypnotisée, elle bégayait, elle était là. En fait, c'est là qu'on voit que leur cerveau bug, leur cerveau a... En fait, ces gens-là, ils vivent tellement dans le mal et dans le mensonge, que leur cerveau court-circuite, en fait, dès qu'on leur dit la vérité. Mais tous dans le plateau, tous. Et c'est pour ça, je crois que vraiment, la parole de vérité est une arme, et c'est pour ça ils ont peur qu'on en use. Ouais, je suis d'accord avec toi, là. Ils ont peur qu'on en use parce que je pense que la verbalisation de la vérité, hein, mais attention, pas n'importe laquelle, il ne faut pas dire la vérité en parlant dans ses moustaches et en se regardant les pieds avec honte, dire la vérité avec fierté, avec conviction et avec force, hein, sans se laisser intimider, je pense que ça c'est une arme et ils ont peur qu'on l'utilise, c'est pour ça qu'ils mettent en place ces systèmes de censure, tu vois, qu'ils essaient de nous le rendre impossible, parce que s'il y avait plus de gens qui porteraient les vérités avec des des couilles et qui disaient, eh ben, comme tu dis, ils seraient décontenancés, ils se mettraient à bégayer, ça disjoncte chez eux, parce qu'ils ont tellement une mauvaise conscience et des choses à se reprocher, ils sont tellement enlisés dans l'immoralité, que voilà, c'est un côté... Bon, là, après, le problème, c'est que là, ils vont récupérer le truc, bon, le mec, là, le dissident là, de YouTube qui a reposté l'extrait que tu m'as linké, j'aime pas trop qu'il poste ça comme ça, parce qu'il a fait un montage, il met que les prises de parole du mec. Il aurait été intéressant qu'ils mettent aussi les réparties des autres pour qu'on voit le discours gauchiste, qu'on voit un peu plus comment ils l'ont ridiculisé. Parce que le mec, en fait, il fait une promo pour le RN, quoi, en repostant ça. Il fait passer le mec, il écrit, il les a tous rembarrés. Les gens, ils vont croire que le mec du RN, c'est un dieu comme Zemmour qui démonte les gens sur les plateaux. C'est pas bon, quoi. Faut pas faire... Ça a préparé, encore une fois, l'épouvantaillerie du RN pour les prochaines élections. Donc c'est bête de faire ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve pas ça très dissident. Du coup, c'est plus du collaborisme. T'as vu Balkany, comment il monte? J'avais envie de casser la télé aujourd'hui. T'as vu Balkany qu'il a été libéré? Balkany, il a été libéré. Ça m'étonne pas. En plein direct, ils ont fait un cirque, c'était hallucinant. Ça m'a donné envie de gerber, quoi. Je me suis dit, voilà, bah, c'est pour ça que quoi. Sa femme, elle a fait toute la pleurnicherie. Hein. Ils l'ont libéré alors que type, il a volé des millions d'euros, il a blanchi de l'argent, il a corrompu tout le monde. C'est dégueulasse. Non, mais quel exemple on montre encore une fois. Voilà, quoi. Et Jonathan, tu l'as pas vu aujourd'hui, c'était en plein direct, et en plein direct, à la prison en plus, c'est ça le pire. Donc on voyait la femme de Balkany marcher dans la prison, et il y avait les journalistes de BFM TV sur place. Donc on voit bien que tout le monde était au courant. Oui, donc on va retransmettre en direct des acquittements et des libérations de criminels bientôt. Bientôt, on en fera une fête nationale. Donc c'est ça qui est grave, quoi. Donc les victimes sont de plus en plus coupables. Ah, les victimes sont devenues coupables. Alors en plus, c'est grave parce qu'elle parlait, elle racontait sa vie, de son grand château à Paris, qui est là, pas loin de Paris, là. Hein. Dès qu'elle va sortir, elle va sortir les gros chiens, ils vont se promener dans leur grand jardin. C'est même pas un jardin, c'est carrément un palace, leur truc qu'ils ont. C'est dégueulasse. Oui, et puis on va nous faire croire qu'ils vont revivre, enfin... Mais voilà, non, mais elle le disait carrément. Ils allaient revivre. Oui. Après toutes ces années de... Alors on nous fait croire qu'ils ont passé des longs mois de cauchemar, que c'était l'enfer. C'est ce qu'ils ont fait avec DSK et puis sa pouf, là. Comment elle s'appelait, Sinclair, c'est ça? Oui, ils ont fait pareil. Hein, et donc ça c'est des plans, c'est voulu aussi pour façonner les gens. Hein. C'est dégueulasse. Moi, je commence à en avoir marre. Si, comme je t'avais écrit, s'il y aurait un vrai réveil des Français, ça se saurait. Parce que ces gens-là se payent, comme les journalistes qui a été complice de ça, ils se payent des loyers à 20 000 euros dans Paris. Ils arrivent à acheter des appartements à 800 000, 1 million d'euros. Les Français ne le savent pas, mais ce système politico-médiatique, ils sont millionnaires, ces gens-là, en euros. Hein. Ils se sont des millionnaires. Si les Français seraient tout ça, tout ce que l'on dit, il y aurait un boycott massif, quoi, de tout, quoi. Ils sont bisounoursiens. Ah ouais, c'est dégueulasse.